plusieurs signalisations sont mises en place au même endroit, il faut lire la définition de chaque panneau de manière séparée. Ici, il est interdit de circuler à plus de 90 km/h, donc il est impossible de rouler au-dessus de cette vitesse, même pour dépasser. De plus, le panneau de gauche veut dire qu'il est interdit de dépasser tous les autres usagers à moteur, sauf les deux roues. Si le camion devant roule à moins de 90, il ne me reste qu'à ralentir en restant derrière lui. Réponse B et D.